الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، انتهينا في الجمعة الماضية بحمد الله تبارك وتعالى من ذكر غزوة أحد، هذه المعركة العظيمة التي استشهد فيها جمع من المسلمين وتميز فيها الصادقون، حزب الله أو حزب الله من الكاذبين المنافقين، وظهر فيها شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصبرهم على الأذى. La semaine passée, nous avons fini de citer et d'évoquer la bataille de Uhud, cette grande bataille durant laquelle le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa noblesse, son endurance et sa grande capacité à supporter la difficulté fut avérée. Et la noblesse des sahaba, leur courage et leur endurance et leur dévouement dans le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa religion. Au retour de la bataille de Uhud, Sami'a al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam Buka Nisa al-Ansar Mimman ishtushhida fi razwati Uhud Yabkina ala azwadihin. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن حمزة لا بواكي له. وعندما استيقظ من نومه وجد النساء أو سمع بكاءهم وندبهن بحمزة رضي الله عنه. وتغرب la bataille de Uhud, le prophète صلى الله عليه وسلم a entendu les pleurs des femmes des Ansar qui sont décédés lors de la bataille de Uhud. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, mais pour Hamza, il n'y a pas de femme qui pleure. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a trouvé qu'elle pleurait Hamza et qu'elle le mentionnait. Rawahu Ahmed. Et cela était avant l'interdiction des lamentations. Plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit les lamentations. Et sur cette bataille a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Ali Imran 85 versets. Du verset 131 environ jusqu'à compléter 85 versets. Ibn Hajar fil Fath et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et d'autres parmi les savants ont cité de nombreuses sagesses des épreuves subies par les croyants lors de la bataille de Uhud. Nous allons mentionner certaines. La première, تعريف المؤمنين بسوء عاقبة المعصية والفشل والنزاع. La première leçon à tirer de la bataille de Uhud est qu'on enseigne aux croyants la mauvaise finalité de la désobéissance. La mauvaise finalité de la désobéissance et de la divergence. On fait référence ici à ceux qui sont descendus du mont alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit de ne pas bouger de leur position. Lorsqu'ils sont descendus, il y a eu de nombreuses répercussions, comme le décès de beaucoup de compagnons, comme les blessures du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres. ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم وليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Dans sourate Ali Imran, verset 152, Allah Azza wa Jal fait référence à cette sagesse et d'autres, que la désobéissance a de nombreuses répercussions. La désobéissance a de nombreuses répercussions, comme la division et la faiblesse. À la suite de cela, les croyants étaient sur leur garde quant au fait de s'éloigner pleinement des causes de la faiblesse, de la défaite et de la division. Donc il y a en cela de grandes leçons. Les effets des péchés. Wallah al-musta'an. La deuxième sagesse qu'on cite ici, Hikmatullahi ta'ala fi rusulihi alayhi salat wa salam wa atba'ihi an takunu al-ghaliba lil-mu'minina tara wa li ghayrihim tara. ولكن العاقبة لأهل الإيمان. La deuxième leçon qu'on tire, c'est que la sagesse d'Allah nous enseigne que il accorde le secours aux messagers et à leurs suiveurs par moment, et par moment il laisse le dessus à leurs adversaires, mais la fin est toujours aux gens de la piété et du iman. Mais la fin et la finalité appartient toujours aux gens du iman et aux gens de la piété. Les ulama nous disent également que si la victoire était toujours du côté des croyants, ce serait immiscer en leur sein des gens qui n'en font pas partie. Ils seraient venus pour la victoire et non pas pour l'iman. Serait venu pour la victoire et non pas pour l'iman, non pas pour l'adoration d'Allah et la foi. Donc ainsi il y a une distinction à travers ces épreuves, il y a une distinction entre les croyants véridiques et ceux qui viennent pour être du côté du plus fort, pour être du côté du plus fort. Et dans l'histoire de Abu Sufyan avec Hirakl, lorsque Hirakl lui a demandé lors de leur combat qui est-ce qui gagne, Abu Sufyan a répondu radiallahu anhu, parfois c'est nous, parfois c'est eux, parfois c'est nous et parfois c'est eux. Hirakl a répondu kadhalika ar-rusul, c'est ainsi que sont les messagers, tubtala thumma takunu lahum al-aqiba, ils sont éprouvés puis la finalité leur revient. Donc Allah Azza wa Jal éprouve les prophètes, éprouve les croyants en leur donnant tantôt la victoire et en laissant tantôt les autres prendre le dessus. Mais la finalité revient toujours aux croyants et aux messagers alayhim as-salat wa salam. La troisième leçon, at-tamyiz bayn al-mu'minin as-sadiqin wal-munafiqin. بهذه الابتلاءات يحصل التميز بين الأهل الحق الصادقين ظاهرا وباطنا والمبطلين الذين أظهروا الإيمان وأخفوا الكفر. La troisième leçon à citer est la distinction qui se réalise au sein des croyants entre les croyants véridiques, ceux qui ont l'iman intérieurement, extérieurement, de ceux qu'on appelle al-munafiqoun, les hypocrites, qui montrent en apparence l'iman, mais qui cachent en leur intérieur le contraire. Et cela particulièrement suite à la bataille de Badr. Et cela particulièrement après la bataille de Badr, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a élevé la renommée des croyants, beaucoup de gens sont entrés en islam avec hypocrisie. Allah nous dit dans le Coran, verset 179, مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلِيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثِ مِنَ الطَّيِّبِ. Allah Azza wa Jal fait référence à cette sagesse, encore une fois dans Sourate Ali Imran. La quatrième sagesse, استخراج عبودية أولياء الله في السراء والضراء. Allah subhanahu wa ta'ala aime voir de son serviteur la servitude et les adorations dans tout état et dans toute situation. Et à travers ces épreuves, Allah Azza wa Jal fait sortir chez les croyants ces adorations, que ce soit dans la facilité et, ou que ce soit dans la difficulté. Ainsi, le croyant montre que c'est réellement un serviteur d'Allah qui lui est soumis. Dans la facilité, les choses qu'il aime, et dans la difficulté, et les choses qui lui sont difficiles. Celui qui se montre endurant et soumis à Allah dans les choses qu'il aime, et dans les choses qui lui sont difficiles, voici le réel serviteur d'Allah Azza wa Jalla. هَذَا هُوَ عَبِيدُ حَقًّا. Quant à celui qui fait ce qu'Allah lui ordonne dans les choses qui lui plaisent seulement, celui-ci fait partie de ceux qui adorent Allah Azza wa Jal ala harf. Comme Allah Azza wa Jal l'est décrit dans le Coran, ceux qui adorent Allah tabaraka wa ta'ala que dans une partie de sa religion. Que dans une partie de la religion. Mais lorsqu'ils sont éprouvés, ils délaissent. Ils délaisse. La cinquième leçon. Hayya Allah li ibadihi al-mu'minin manazila fi dari karamatihi lam tablughha a'maluhum minha al-bala wal-a'mal as-saliha. Allah tabaraka wa ta'ala, cinquième leçon, Allah tabaraka wa ta'ala a préparé pour ses serviteurs croyants des hauts degrés et une élévation dans son paradis. Mais leurs simples actions ne leur permettent pas d'y accéder. Allah tabaraka wa ta'ala a préparé pour les croyants d'énormes récompenses et des hauts degrés au paradis. Et leurs simples actions ne leur permettent pas d'atteindre ces hauts degrés. Alors Allah tabaraka wa ta'ala met sur leur chemin des causes qui vont leur permettre d'être élevés en degrés. Parmi ces causes, les épreuves. Parmi ces causes, les épreuves. Tout comme il y a parmi ces causes, les actions pieuses. Les actions pieuses. Il nous est cité dans le hadith, « إِذَا حَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَعَلَيْهِ السُّخْطُ. » Lorsqu'Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui se montre endurant, bien celui qui agrée recevra l'agrément, et celui qui se révolte recevra la colère. La sixième leçon. Inna an-nufus taktasibu min al-'afiyati ad-da'ima wan-nasr wal-ghina tughyanan wa rukunan ila ad-dunya. Lorsque l'âme de la personne est habituée au bien, à la tranquillité continuelle, au secours, à la richesse, ça la pousse à transgresser. Lorsque l'âme, on lui donne tout ce qu'elle souhaite, la bonne santé, la tranquillité, et que c'est continuel, ça la pousse à la transgression. Et à pencher que vers la dunya. Et à pencher que vers ce bas monde. وَذَلِكَ مَرَضٌ. Et ça, c'est une maladie. C'est une maladie du cœur. Ceci est une maladie. يَعُوقُهَا عَنْ جِدِّهَا فِي سَيْرِهَا إِلَى اللَّهِ. C'est un handicap, ou bien ça handicap cette personne dans son acheminement vers Allah. Ça handicap cette personne dans ses efforts et son acheminement vers Allah et l'au-delà. Donc d'être toujours dans le bien, c'est un mal pour l'âme, parce qu'elle s'attache à la dunya et ça l'handicape dans son chemin vers Allah. فَإِذَا أَرَدَ اللَّهُ بِهَا الرَّحْمَةِ وَالْكَرَامَةَ قَيَّضَ لَهَا مِنَ الْإِبْتِلَاءِ مَا فِيهِ دَوَاءٌ وَشِفَاءٌ. Puis il nous dit que lorsqu'Allah Azza wa Jal veut alors pour ce serviteur-là la miséricorde et la noblesse, il va lui mettre sur son chemin des épreuves. Avec celle-ci, il y aura le remède à sa maladie. Il y aura le remède à sa maladie. Septièmement, bilibtila tamhisun wa takfirun lidhunub. Avec les épreuves, il y a une purification. Il y a une expiation pour les péchés. Comme dans le verset 141 de la même sourate. Huitièmement, إن الأنبياء إذا أصيبوا ببعض العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام تعظيما ويتأسى بهم أتباعهم في الصبر على المكاره والعافية والعاقبة للمتقين. Les prophètes, lorsqu'ils sont touchés par certaines épreuves dans ce bas monde, que ce soit leurs blessures, leur douleur, leur maladie, c'est pour les élever. C'est pour les élever davantage. Quant à la sagesse pour les autres, c'est que ceux qui viendront après eux les prendront comme exemple dans leur endurance devant les choses difficiles. Et ils verront que la bonne finalité, la bonne fin appartient aux gens pieux. Donc toutes ces épreuves que subissent les prophètes, c'est pour qu'on ait des exemples. C'est pour que nous ayons des exemples lors de la difficulté et de l'épreuve en eux. Neuvièmement, shaja'atu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le courage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bimusharakatihi ma'annas, tawadu'uhu, sabruhu. Ici on voit le courage, l'endurance et la force du prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il participe avec les gens et il s'associe aux gens dans tout ça. Voici certaines sagesses citées par les gens de science de Ghazwatu Uhud. Une question qui est souvent posée: est-ce que on attribue la victoire de Ghazwatu Uhud à Quraysh ou non? Non, Quraysh n'ont pas gagné la bataille de Uhud. Quraysh n'ont pas gagné la bataille de Uhud. Et pour preuve, l'habitude de celui qui remportait la bataille était de rester sur le lieu du combat, le champ de bataille, quelques jours. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Badr, par exemple. Mais eux sont rentrés immédiatement. Et pour preuve, ils se sont dit mutuellement: vous n'avez rien fait. Leurs grands sont toujours en vie. Et ils se sont motivés mutuellement à revenir attaquer les croyants. C'est pour cela qu'après Ghazwat Uhud, il y a eu Ghazwat Hamrat al-Asad. Donc après la bataille de Uhud, comme la continuité de la bataille de Uhud, il y a eu غزوة حمراء الأسد. Et cela le lendemain de la bataille de Uhud. Quel jour était la bataille de Uhud? Yom al-Sabt. Donc le dimanche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni les croyants. Lesquels? Que ceux qui ont participé à la bataille de Uhud. Il a réuni les croyants, mais que ceux qui ont participé à la bataille de Uhud. Sauf un seul homme. Il a permis à une seule personne de venir avec eux, malgré qu'il n'ait pas participé à la bataille de Uhud. Qui est-il? Qui est cet homme? Naam. Comment? Qui est cet homme? C'est un homme qui était très pieux envers son père et qui préservait les recommandations de son père à un point tel que ça a affecté son choix dans son mariage. Non. Là. Taïb, on continue, Inch'Allah, vous me donnerez la réponse. Pourquoi cette bataille a été appelée, ou bien pourquoi cette razwa a été appelée Hamra al-Asad? Car, yani, ça fait référence à une montagne. Nisbatan ila Jabal, qui est non loin de Dhul Hulaifa, le Miqat, en sortant de Al-Madina, en direction de Mecca. Les associateurs qui étaient à Mecca se sont dit mutuellement, vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas remporté comme il se devait le combat et leurs grands sont toujours en vie. Donc ils se sont motivés mutuellement afin de repartir, trouver les croyants et en finir avec eux. Lorsque cela est parvenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni tous les gens de la bataille de Uhud. Et a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « La yakhruj ma'ana illa man kana bi Uhud. » Et il leur a dit, « Personne ne sortira avec nous, si ce n'est ceux qui étaient présents à la bataille de Uhud. » Et c'était quand? C'était le lendemain de la bataille de Uhud. Ils sont encore avec leurs blessures et leurs douleurs. Et le but était de faire apparaître la force, l'endurance et la détermination des croyants. Aussi, le fait de faire entrer la crainte chez Quraysh. Le fait de faire entrer la crainte chez Quraysh. Et on voit ici clairement la place de Sahaba, leur courage, leur endurance et leur capacité à surmonter toutes ces difficultés. Alors qu'ils sortent, Maza, de la bataille la veille. Allah tabaraka wa ta'ala les a cités dans le Coran, ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alladhina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahum al-qarah lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim. Qu'Allah azza wa jalla fait l'éloge dans le Coran. Alors qu'ils revenaient de la bataille de Uhud et qu'ils avaient encore leurs blessures, ils ont répondu à l'appel d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette ghazwa est comme la continuité, la finalité de Uhud. Donc on voit ici que Quraysh n'ont pas eu une victoire à la bataille de Uhud en réalité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a permis à personne de ceux qui n'avaient pas participé à la bataille de Uhud de participer à cette bataille, sauf une personne. Ça commence par un djinn. Naam. Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Jabir ibn Abdillah n'a pas participé à la bataille de Uhud. Pourquoi cela? Son père Abdullah istakhlafahu fi ri'ayati banati sab'u banat qil ashr. Abdullah, le père de Jabir, avait ordonné à Jabir de ne pas venir à la bataille de Uhud. Pourquoi? Parce qu'il avait 7 ou 10 filles, comme c'est venu dans une autre version. Il avait 7 filles, dans une autre version, 10 filles. Alors il a dit à Jabir de rester auprès d'elle pour s'en occuper. Il a dit à Jabir de rester auprès d'elle pour s'en occuper. Et Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu a fait cela de la meilleure façon. Son père, Abdullah, est décédé dans la bataille de Uhud, radiallahu anhu. Alors, lors de Ghazwat Hamra al-Asad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à Jabir de venir, car rien ne l'avait empêché de participer à la bataille de Uhud, si ce n'est la préservation de la recommandation de son père. Si ce n'est la préservation de la recommandation de son père. On sort un peu du sujet pour montrer à quel point Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu a préservé cette recommandation. Si son père est décédé à la bataille de Uhud, qu'en est-il de ces filles-là? Elles ont pris un statut particulier en islam. C'est qu'elles sont yatimat, sont devenues orphelines, subhanallah. 7 filles ou 10. Et Jabir ibn Abdullah, c'est lui qui s'en occupe. Et lui faisait partie des jeunes. Et lui faisait partie des jeunes. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque les parents sont pieux, il préserve les enfants. Du vivant ou après la mort du parent, des parents, Allah azza wa jalla les préserve. Allah azza wa jalla les préserve. Comme il a préservé le trésor dans l'histoire de Moussa al-Khadir des deux enfants. Naam. Lorsque Al-Khadir a remis le mur. Naam, cette histoire vous est connue. Et ici, Jabir ibn Abdullah, par la suite Allah Azza wa Jal lui a facilité. Et un jour le prophète alayhi wa sallam l'a croisé. Et il lui a dit, yani ils ont parlé de mariage, il lui a dit tazawajt. Ou bien il a vu sur lui des signes qu'il s'était marié. Et il lui a dit tazawajt. Tu t'es marié? Il a répondu oui. Et il lui a dit, Bikran am Thayyiba, est-ce que tu t'es marié avec une jeune fille qui n'a jamais été mariée ou une femme qui a déjà été mariée? Et il lui a dit, Bal Thayyiba. Il lui a dit, je me suis marié avec une femme qui a déjà été mariée. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Halla Bikra, pourquoi ne t'es-tu pas marié avec une jeune fille qui n'a jamais été mariée? Naam. Tula'ibuha wa tula'ibuk. Naam. Ainsi, tu plaisanteras avec elle, elle plaisantera avec toi. Comme c'est venu, tudahikuha wa hiya tudahikuk. Alors, Jabir ibn Abdullah a cité la cause. Pourquoi est-ce qu'il s'est marié avec une femme plus âgée, une femme divorcée, une femme qui a déjà été sous la responsabilité d'un homme, alors qu'il lui était facile de se marier avec une jeune fille? Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, ce grand homme, a répondu innali akhawat. Il a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai plusieurs sœurs. Yani c'était des petites et des orphelines. Donc il a dit ma'za fa ahbabtu an atazawwaja imra'atan tajma'uhun. Alors j'ai voulu épouser une femme qui allait les tenir, qui allait les réunir, qui allait les peigner, qui allait s'occuper d'elle. Qui allait s'occuper d'elle. وَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُمْ فَلَا تُؤَدِّبُهُمْ. Et j'ai redouté le fait de me marier une fille qui allait être jeune, ainsi elle n'allait pas pouvoir les tenir, ni les éduquer, ni s'occuper d'elle. Alors, ici il a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix. Et en réalité, il n'a cessé de préserver la wasiya de son père, de son vivant, le fait de prendre soin de ses filles. Le fait de prendre soin de ses filles, radiallahu anhu wa anhuma. Donc, ils sont partis ce dimanche à Hamrat al-Asad. Et arrivé à cet endroit-là, c'est une montagne, il y a un parmi Mada, cet endroit est à environ 80 km de Médine. Cet endroit est environ à 80 km de Al-Madina. Ils ont rencontré un homme qui a embrassé l'islam. Il se nomme Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzai. Cet homme-là s'est converti à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc envoyé voir Abu Sufyan afin qu'il le trompe et lui fasse rebrousser chemin. Il n'avait pas eu encore connaissance de son islam, alors il est revenu les voir et il a fait entrer la peur dans leur cœur en leur disant que les croyants ont levé telle armée et qu'il va se passer telle et telle chose jusqu'à ce que Abu Sufyan yani rebroussa chemin alors qu'il avait atteint Bi'ru Rawha. Naam. Donc ce sont les associateurs qui étaient à 80 km environ. Quant aux croyants, yani ils étaient après le miqat de Dhul Hulaifa une certaine distance. Abu Sufyan à Mecca a rencontré un homme qui se dirigeait vers la Médine. Et il lui a dit: est-ce que tu acceptes de remettre une lettre ou un message à Mohammed de ma part? Si tu fais cela, à ton retour, je remplirai ta monture de raisins secs et de telles richesses et de telles richesses. Alors cet homme accepte. Quel était ce message? Le message qu'il devait lui transmettre était Al-Qawmu jama'a lakum fakhshawhum. Al-Qawmu jama'a lakum fakhshawhum. Ils se sont réunis. Le message était de transmettre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Quraysh a réuni des gens, na'am, c'est-à-dire pour vous attaquer, ayez donc peur d'eux. Si ce n'est qu'à la transmission de ce message, c'est l'effet inverse qui s'est produit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit dans le Coran. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah tabaraka wa ta'ala nous cite cela dans surat Ali Imran, après le verset 172. Alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah. Ceux à qui il fut dit les gens se sont réunis contre vous, ayez donc peur d'eux. Cela n'a fait qu'augmenter leur foi. Et ils ont dit, Allah nous suffit et quel bon garant. Cette parole, c'est une parole de tawakkul. Cette parole, c'est une parole qu'on prononce lorsqu'on redoute un mal. Mais elle peut également être prononcée, comme a dit Cheikh Abd al-Razzaq, Hafidhahullah ta'ala, lorsque tu convoites un bien. Donc c'est une parole que tu prononces lorsque tu crains un mal, ou tu veux te prémunir d'un mal, mais également lorsque tu recherches un bien. Et en chemin, ils ont rencontré certains qui n'avaient pas participé à la bataille de Uhud, comme Muawiyah ibn al-Mughira, qui se reposait non loin de la place de Uhud. Ils ont donc été faits prisonniers. Quelle est la particularité de cet homme qui a été fait prisonnier? C'est qu'on trouve qu'il a mutilé Hamza radiallahu anhu. Certains mutilaient ceux qui décédaient sur le champ de bataille. Et parmi eux, cet homme qui se nomme Muawiyah ibn al-Mughira. Il fut dit qu'il a participé à cette action très grave, wal'iyadu billah. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la suite, ils sont revenus sans avoir à combattre, car Quraysh avait rebroussé chemin. Plus tard, il y a eu la Sariya de Abu Salama. Les informations se sont multipliées et sont parvenues au prophète sallallahu alayhi wa sallam quant au fait que certains parmi les Bédouins et certaines tribus avoisinantes de Médina et d'autres plus éloignées pensaient à attaquer les croyants de Médina, particulièrement des suites de la bataille de Uhud et des blessures des croyants. Donc les gens convoitaient Al-Médina. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait agir avec stratégie. Il a donc envoyé Abu Salama ibn Abdil Asad, qui était l'époux de qui? Abu Salama, c'était l'époux de qui? De Umm Salama, qui fut par la suite l'épouse de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Umm Salama, sa qissa est ajiba. Et comment Allah Azza wa Jal l'a élevée par des causes très éprouvantes. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Il y a certes avec chaque difficulté de facilité. Il y a certes avec chaque difficulté de facilité. On a déjà raconté l'histoire de la hijra de Abu Salam. On a déjà raconté l'histoire d'Abu Salam lorsque les gens de la famille de son épouse ont retenu Umm Salam avec son enfant Salam. Alors Abu Salam a quand même fait l'hijra. Umm Salam est resté retenu dans sa famille. Alors les hommes de la famille d'Abu Salam sont venus arracher Salam aux gens de la famille de Umm Salam. Alors son époux Al-Madina, elle chez sa famille et son fils dans la famille de son époux. Elle a grandement été éprouvée jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla lui ait facilité. Elle a pu rejoindre par la suite son époux avec son enfant. Mais plus tard, bien plus tard, elle a été éprouvée dans son époux. Son époux avait été blessé, Abu Salama radiallahu anhu avait été blessé à la bataille de Uhud. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à la rébellion de certains parmi les Bédouins et d'autres parmi les tribus avoisinant Al-Médina et quelques nuisances subies de leur part, il a envoyé une sarir. Il a envoyé Abu Salama radiallahu anhu et plusieurs parmi les croyants. Lorsqu'ils sont arrivés sur place, ils n'ont pas eu à combattre et ils sont rentrés avec le butin. Si ce n'est qu'Abu Salam avait une blessure qui s'est réouverte, il y a une inflammation et des suites de cette blessure, il est décédé radiallahu anhu. Umm Salam radiallahu anha était énormément attaché à Abu Salama, son époux. Et c'était un homme, comme on l'a décrit dans les cours de Sira. Elle a dit, yani eux étaient étrangers à Médine à la base. Elle a juré par Allah qu'elle allait pleurer sur son époux d'une manière, l'histoire allait s'en rappeler et allait en parler. Elle va pleurer sur son époux d'une manière qui fera que l'histoire en parlera. Et que tous les gens qui viendront après elle parleront de son histoire. Puis, après Saïda, Abu Bakr, radiallahu anha, ou plutôt avant cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a présenté ses condoléances et il l'a invité à l'endurance. Et il lui a dit de dire, « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. » C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que se fera notre retour. Ça, c'est ce qu'on appelle l'istirja. C'est une parole qui est légiférée pour toute épreuve, pour toute chose difficile, aussi minime soit-elle. Aussi minime soit-elle. Tu dis inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans toute épreuve. Inna lillah, ana lillahi abd. Inna lillah, c'est Allah que nous appartenons, c'est-à-dire nous sommes des serviteurs d'Allah. Et c'est lui qui gère, et c'est lui qui décrète, et c'est lui qui décide. Et nous, serviteurs, nous devons nous soumettre et accepter ce décret. Inna lillah, wa inna ilayhi raji'un, mais c'est vers lui que se fera notre retour. Alors elle a dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lui lui a dit, il n'y a pas une personne qui dit, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Oh Allah, rétribue-moi dans cette épreuve et remplace-moi par meilleur. Il n'y a pas une personne qui prononce ces mots sans qu'Allah ne lui remplace par meilleur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que par la préservation de la renommée de son époux et la grande valeur qu'il avait auprès d'elle, elle a dit, wa man khayr min Abi Salam. Mais qui est meilleur que Abu Salam? Allahu Akbar. Alors que les sahabas sont vivants. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant. Alors qu'Abu Bakr, Omar, Uthman et beaucoup d'autres sont vivants. Et tous sont meilleurs qu'Abu Salam. Mais c'est la place qu'il avait auprès d'elle. Elle a dit, wa man khayr min Abi Salam. Et qui est meilleur que Abu Salam? Elle a dit, alors j'ai prononcé ces mots en ayant quelque chose dans le nafs. Yani elle a suivi ce que le prophète alayhi wa sallam lui a commandé, tout en ayant yani quelque chose en son fort intérieur. Et subhanallah, celui qui abandonne son affaire à Allah tabaraka wa ta'ala reçoit une issue favorable d'où elle ne, yani d'où il ne s'y attendait pas. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Plus tard, après sa idda, ou plus tard encore, Abu Bakr, radiallahu anhu, est venu demander sa main en mariage. Elle a refusé. Puis Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, est venu et il l'a demandé en mariage. Elle a refusé. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a demandé en mariage. Elle a dit que soit bienvenu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces trois-là sont meilleurs que Abu Salam. Ces trois-là sont meilleurs que Abu Salam. Radiallahu anhum wa sallallahu ala nabiyyina sallallahu alayhi wa sallam. Puis, elle a pris du recul. Elle a pris du recul. Et c'est comme si elle allait refuser. Omar ibn Khattab radiallahu anhu est parti la trouver. Il l'a blâmé. Et il l'a blâmé, il s'est mis en colère pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce possible que le prophète alayhi wa sallam demande en mariage une femme et elle ait des doutes, ou elle prenne du recul ou autre? Alors il s'est mis en colère pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas pour lui ni pour Abu Bakr. Il lui a dit, comment est-ce que tu te permets de refuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et elle s'est expliquée. Elle s'est expliquée. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est revenu à nouveau, soit elle s'est expliquée en disant cela à Omar. Elle a dit, il y a trois causes. Elle a dit, il y a trois causes. Qui connaît ces trois causes? Elle a dit, il y a trois causes. La première, elle a dit, j'ai des enfants. La première, elle a dit, j'ai des enfants. La deuxième, elle a dit, je suis une femme jalouse, très jalouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà trois ou quatre parmi ses épouses. Il avait Aïcha radiallahu anha, Saouda et Hafsa. Naam, au minimum, si mes souvenirs sont bons. Et la troisième cause, elle a dit, je suis étrangère à Al-Madina, je n'ai pas de wali sur place. Je suis étrangère à Al-Madina, elle venait de Mecca. Et je n'ai pas de wali sur place. Elle n'a pas de wali pour faire l'apt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est venu. Il a dit, quant aux enfants, Allah subhanahu wa ta'ala va les préserver et leur accorder leur subsistance. Quant à ta jalousie, je demande à Allah Azza wa Jal de la dissiper de ton cœur. Quant à ta jalousie, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la dissiper de ton cœur. Et quant au fait que tu n'es pas de wali à Al-Madina, il n'y en a pas un qui est au courant ou un qui ignore cela et qui refuserait. Et qui refuserait. Puis elle accepta. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la mada l'épousa et elle devint mada umman lil mu'minin. Elle est devenue une des mères des croyants. Regardez son épreuve, subhanallah. Son époux décède. Après toutes les épreuves subies à Mecca. Après Al-Hijra. Et elle finit par quoi? Du fait qu'elle a abandonné son affaire à Allah. Du fait qu'elle a été endurante. Du fait que Allah tabaraka wa ta'ala fait d'elle l'épouse du meilleur des hommes, du meilleur des messagers. Et c'est un titre qui, après le décès du prophète, ne bouge pas. Parce que on n'a pas le droit d'épouser une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam après son décès, du fait que ce sont les mères des croyants et du fait qu'elles seront ses épouses fil jannah. Radiallahu anhunna ajma'in. Hadihi al-mar'a, yani cette femme, il convient qu'on apprenne, il nous convient à nous hommes et femmes d'apprendre sa sire. Non, et c'est semblable, afin que nos filles, nos mères, nos sœurs, nos épouses aient des exemples. Non, aient des exemples de femmes pieuses, de femmes ayant un iman élevé, de femmes endurantes, de femmes yani dévouées à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on a de parfaits exemples chez les femmes de Sahaba, chez les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici pour la Sariya de Abi Salama. Et quant aux chaînes de transmission qui rapportent son récit, et un peu sont fortes et acceptables. Concernant les femmes des Ansar et des compagnons, les ulama nous ont rapporté au retour de la bataille de Uhud quel a été leur comportement. On avait cité que durant la bataille de Uhud, certaines femmes parmi les sahaba avaient accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donner à boire et pour soigner les malades, comme Umm Sulaym, comme Aisha radiallahu anhuma, comme Hamna bint Jahsh, comme Umm Umara et d'autres. Et lors du retour du combat, plusieurs parmi leurs pères, leurs frères, leurs époux, leurs fils étaient décédés. Quel fut leur comportement et comment est-ce qu'elles ont accueilli cette lourde épreuve? Il nous a été rapporté concernant certaines d'entre elles la réaction. Parmi elles, on trouve une femme de Bani Dinar. Elle se nomme Samira, ou plutôt Samira bint Qais. Samira Bintu Qais. Cette femme-là, son époux, son frère et son père sont décédés à la bataille de Uhud. Son père, son frère et son mari sont décédés à la bataille de Uhud. Lorsqu'ils sont venus l'informer de cela et lui présenter les condoléances, sa réaction fut ma fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On l'informe du décès de son père, son frère et son époux. Qu'est-ce qu'elle répond? Qu'en est-il du messager d'Allah? Qu'en est-il du messager d'Allah? On a cité dans la bataille de Uhud comment est-ce qu'ils ont aimé le messager, comment ils l'ont défendu, comment ils l'ont préservé, comment ils se sont sacrifiés. Mais là, une femme à qui on vient d'annoncer le décès de trois personnes les plus proches, surtout son époux, Qu'est-ce qu'elle répond? Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qalu khayran ya umma fulan. Ils lui ont dit, il va bien. Ou une telle. Wa bihamdillah kama tuhibbin. Ils lui ont dit, par la grâce d'Allah, il va bien comme tu aimerais le savoir. Qalat aruni hatta anzura ilay. Elle a dit, non, je veux le voir, yani pour me tranquilliser, pour être sûr de cela. Fa'ushira ilay hatta idha ra'at. Ils lui ont montré. Et elle s'est tranquillisée qu'après l'avoir vu. Puis elle a dit, radiallahu anha, kullu musibatin ba'da kajal. Et sahira. Puis elle a dit, toute épreuve après toi est supportable ou bien petite. Il dit, toute épreuve après toi, si toi t'es en vie, sallallahu alayhi wa sallam, alors je peux tout supporter. Alors je peux tout supporter. Et on trouve dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a un malheur ou une épreuve, qu'il dissipe son chagrin en pensant à l'épreuve de mon décès. Et la plus grande épreuve qui a touché la communauté, c'est le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une chose plus triste, plus chagrinante que cette épreuve. Donc toute épreuve qui te touche, tu peux te consoler en pensant à cette épreuve-là. Ainsi la tienne, tu la verras, et ni plus petite, même si tu penses qu'il n'y a pas une personne plus éprouvée que toi au monde, comme c'est le cas lorsqu'on est éprouvé de par notre faiblesse. Parmi ces femmes-là, il y a Safiya bint Abd al-Muttalib, la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la sœur de qui? C'est la sœur de qui, Safiya? C'est la sœur de Hamza ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu. Lorsqu'elle s'est avancée avec des vêtements pour donner le kafan à Hamza radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il a su que Hamza avait été mutilé par Rahma envers elle, il a dit à son fils de ne pas le laisser voir Hamza. Il a dit à son fils de ne pas le laisser voir Hamza, qui était le fils de Safiya. Hein? Az-Zubayr. Na'am. Az-Zubayr. Radiallahu anhu. Et c'était une femme très forte, très forte. C'était une femme très forte. Alors son fils n'a pas réussi à l'empêcher d'avancer. Puis elle a dit, que se passe-t-il? Tout cela est pour Allah. Et elle s'est montrée très endurante et a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. Parmi ces femmes, Hamna bint Jahsh. Hamna bint